Moi je prends la vie, c'est comme un train en marche. Pour ceux qui tapent la démarche, jusqu'à ce qu'il mort, aujourd'hui c'est marche, droit parmi les morts. Écoute comment ça marche, c'est ma jeunesse en marche. Faut qu'on émerge pour aller en force, car on a marre. Ils nous ont pris pour des trimards, ils veulent que nos vies tournent nos cauchemars. Pour ça, moi je rêve que je cache moi, je crois pas que je m'en cache, c'est. Envoie mon queue, je veux mon frère, on peut t'achète, mon frère. Pour t'achète la rage, on compile la zone. On t'a vu, on baisse le rap dans sa période de vu la zone. Donc vite, vite, faut que je prenne un bif. Vaut mieux que je le fasse sur un beat, lourd que sur un vice. Laisse pas d'avis, fais monter la vis. La violence, c'est toi dans le cul de l'indic. C'est tous les jours dimanche, tous les jours lundi. Y'a des jours on prend des risques, au paradis. Y'a des jours on prend des risques, on rêve de paradis. Y'a des jours on se lève, on a tous mal à la tête. Parce que la terre tourne mal, elle me donne le tournis. Pour ça quand je descends, je te mets bien, je te fournis. La police m'attend en tournant, travail de fourmi. Sont là pour qui, sont là pour mi. Y'a sauf qu'on se fuck leur mother. L'Eric a dozer pour faire bouger tes brothers. Voilà ma frérée, si t'en sais que je suis venu t'enterrer. Les sauts sur ce terrain c'est chaud, tout rime à tempérer. Tempérament, radio refrain. Ma défaut c'est tempérament les frais. Mais quand tu passes à la caisse, mec cherche plus les freins. Moi je prends la vie comme elle vient, c'est comme dans le refrain. Pour être franc, plus d'une fois, volage en frein. Emprunter la voie, tu chez ta, elle sera avec contraint. Le but du mal, l'habitude, dans ce cas on est plein. La violence dans l'attitude quand l'espoir s'éteint. Moi je prends la vie comme elle vient, comme un train en marche. Garde nous, on marche pas au clou. Faut que ça marche dans le sens de nos démarches. Dissidents, habitués de marque, on marche même si nous coulons. Moi je prends la vie comme elle vient, comme un train en marche. Garde nous, on marche pas au clou. Faut que ça marche dans le sens de la démarche. Dissidents, habitués de marque même si nous coulons. Quand les bâtards veulent nous stomper, ne veulent pas nous voir open. Break copé d'une grosse peine, viens une épopée dopée. Mais quand shit vient donc tes beats, laisse-moi compter. Mon historique de nick, MC, juste ma bite à bider. Par mes phrases, par la phrase, mais pas grave, grave. Mon putain de place, glace l'atmosphère. Appelle-moi fiasse, mec, on erre sur cette sphère. En attendant le transfert, pendant que les tiens n'adhèrent pas, les miens y croient. Genre comme faire, un jour tu perds, un autre jour tu gagnes. Cette vie bizarre, j'peux pas me taire. Pour les frères au pan, toi prends de blizzard. J'ai pris un pic pour utilitaire sur un beat militaire. Stop les formalités, on m'a dit fais les terres. Il est temps que je les tue, où est ma part que je la touche. Marre de rester sur la touche, va te faire baiser sous la douche. On part tous de la dèche, on part tous de la wesh. Qu'est-ce qui se passe, c'est la tête, c'est pour nos proches en cellule. Elle est frère, gardez la pêche, ne parle pas de dollars et frais. Reviens-nous quand t'ouvres la brèche, t'étonnes pas, c'est sur de la brique. Dissident, marque de fabrique, y'a plus d'espoir, l'eau s'agrippe. Pour que chacun pose sa grippe, 2004, rack ça gratte. Sur le bitume ou sur le papier, 2005 ça s'aggrave. Plus pour nous pour qu'on perde papier. Dans les regards que tu peux voir, que tout le monde veut sa part. Y'a rien de bon et tôt tard, sera d'où ça part. Parti de rien, part d'une panoplie de soucis. Ce coup-ci, pour tout niquer, je viens, je recherche un raccourci. T'as ma tempère, j'suis pas ton terre, je cherche pas à me fuir. En période de panse, j'm'en sais de la tête, je cherche à m'enfuir. Même si reste zen, je viens pas engendrer la haine, je reste le même. Je représente ceux qui me soutiennent, ceux qui m'aiment. Pour s'en sortir la tête haute, c'est pas faire, pour pas refaire les mêmes fautes. Moi, comme tu vois, moi, je vais remonter la côte. J'suis sur les côtes de Spice, donc écoute quand je maîtrise, c'est bon dans la bêtise. Moi je prends la vie comme elle vient, comme un train en marche. Garde nous on marche pas au culot. Faut que ça marche dans le sens de nos démarches. Dissidents, habités de marque même si nous coulons. Moi je prends la vie comme elle vient, comme un train en marche. Garde nous on marche pas au culot. Faut que ça marche dans le sens de la démarche. Dissidents, habités de marque même si nous coulons.